sont là pour ça, pour picoler. C'est l'apéro. Belle bête. Toute l'année. Et les chocos sont là pour ça, pour picoler. C'est l'apéro. Sont là pour ça, pour picoler. Hey allez BFM, c'est l'apéro toute l'année. Et les chocos sont là pour ça, pour picoler. Hey, lève tes mains, lève tes mains. Alors bonjour, je m'appelle Kevin. J'ai 37 ans, je suis marié et je fais un bisou à ma femme et mes enfants. Je suis à 4-7. Thank you.